Toyota règne en maître sur les terres de Ferrari, les 24 heures moto, Sébastien Ogier qui reprend sa saison de WRC au Canary ce week-end et Dorian Pain au volant d'une Formule 1. C'est tout de suite dans l'émission Auto Hebdo. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Auto Hebdo, c'est la 32e de l'émission et je suis aujourd'hui avec Hugues Derkel et Luca Bartolomeo. Salut Hugues, ça va ? Bonjour Cyprien, très content d'être de l'autre côté de la caméra et j'ai hâte de faire cette émission avec vous. Voilà, Hugues qui est d'habitude en effet plutôt derrière la caméra, qui s'assure que tout se passe bien, aujourd'hui il passe devant, donc une première pour toi, bon, on espère que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, le programme est bon et puis un face-à-face avec toi qui arrive, donc j'ai hâte. Voilà, encore un qui va en découdre avec moi, j'adore ça. Bon Lucas, toi on va pas en découdre, mais t'as des choses à nous raconter, ça va ? J'ai pas mal de choses à vous raconter, d'ailleurs je suis très content d'être là aussi, un petit peu fatigué, puisque comme tu l'as dit dans le sommaire, 24 heures moto ça implique 24 heures sans dormir, et donc voilà, j'essaye de m'en remettre petit à petit, mais ça n'a pas été facile. Bon, ça se voit pas, t'as pris des couleurs au Mans, donc c'est le plus important. Mais avant de revenir sur les 24 heures moto, on va déjà commencer par vous parler du WEC à Imola, puisque c'était la reprise du championnat du monde d'endurance ce week-end, et on va retrouver tout de suite Valentin Glot qui était sur place, et qui est donc assisté à la victoire de la Toyota numéro 8 devant la Ferrari 51, et l'autre Toyota, la numéro 7. Bonjour Valentin, donc on attendait plutôt Ferrari qui avait signé la pole position et finalement c'est Toyota qui remporte cette victoire, sa 50e victoire en championnat du monde d'endurance pour sa 100e course. Est-ce qu'on peut dire que c'est un résultat un peu surprenant ? Oui, bonjour Cyprien. En effet, victoire de Toyota ce week-end à Imola au détriment de Ferrari. On attendait Ferrari à domicile, mais de là à dire que la victoire de Toyota est une surprise, tout dépend un peu de comment on se place, comment on regarde cette semaine du WEC à Imola. Si on prend les résultats de la semaine, brut, oui, on peut se dire que c'était une surprise, puisque Ferrari a dominé le prologue, a dominé les 100 essais libres en dehors des essais libres 2 dominés par Alpine. Ferrari a signé l'hyperpole via Antonio Giovinazzi. Cependant, Toyota est monté en puissance tout au long de la semaine, et notamment lors de cette hyperpole totalement incroyable, où Ryo Hirakawa est passé à 11 petits millièmes de signer la pole position. Ensuite, en course, Toyota a surtout dominé stratégiquement. Ils ont réalisé une course parfaite et ils savaient qu'ils auraient du mal à dépasser les Ferrari, surtout sur un circuit où il est aussi difficile de doubler qu'à Imola. Et donc, ils ont anticipé leurs arrêts et ils ont fait des undercuts, ce qui leur a permis de dépasser les Ferrari. Et ils ont été aussi suffisamment pragmatiques pour utiliser les spécificités du circuit d'Imola à leur avantage, puisque à un moment donné, ils se sont profité d'un arrêt de la Ferrari numéro 51 pour intercaler la Toyota numéro 7 en changeant de passé pneu, en faisant un triple relais avec Kamui Kobayashi, ce qui a permis aux Japonais de défendre sur la Ferrari et du coup de servir de bouclier pour la Toyota numéro 8. Ce qui a également aidé Toyota ce week-end, c'est un drive-through pour la Ferrari numéro 50 pour un OSB drapeau jaune qui a éliminé cette voiture dans la course à la victoire. Et à 2-1, c'était beaucoup plus facile pour Toyota de gérer stratégiquement. Et Alpine termine au pied du podium 4e avec la numéro 35, et c'est un peu le seul coin de ciel bleu finalement pour les équipages français, pour les équipes françaises en hypercar. Ça n'a pas été un week-end très très positif pour les écuries françaises en termes de résultats, puisque une seule voiture termine dans les points sur les 4, c'est effectivement la numéro 35 qui termine au pied du podium. Du côté de chez Peugeot, le week-end avait plutôt très bien commencé avec une très bonne 4e place par de Malte Jacobson, à seulement 73 millièmes de la pole position. Néanmoins, la course fut beaucoup plus compliquée du côté de chez Peugeot. La numéro 94 a rapidement dégringolé au classement, tandis que la numéro 93 n'a jamais vraiment réussi à remonter. Du côté de chez Alpine, la numéro 35, elle a fait une belle remontée avec une stratégie agressive sur les pneus d'entrée de jeu, avec des pneus soft, ce qui a permis à la numéro 35 d'Antonio Félix da Costa, Charles Melesi, Ferdinand Hasbrouck de terminer au pied du podium. Ce fut un peu plus compliqué pour la 36 qui avait raté l'hyperpole de très peu avec une 11e place sur les dailles. Et c'était la première de Genesis aussi en championnat du monde d'endurance. Genesis qui s'est plutôt bien défendu malgré un petit problème de capteur sur la numéro 19. Comment est-ce qu'on peut juger les débuts des deux hypercars coréennes ? Et oui, c'était la grande attraction du week-end, la présence de Genesis à Imola, première course pour l'hypercar coréenne. Et oui, c'est un très bon résultat. Ça peut sembler grandiloquent pour des voitures qui n'ont pas terminé dans les points. Néanmoins, il faut toujours être prudent quand un constructeur débute en championnat du monde d'endurance. Et Genesis s'en est très bien sorti. Les deux voitures se sont très bien comportées. En dehors de ce problème de capteur mineur sur la 19 au début de course, les Genesis n'ont rencontré aucun problème. Et même la 17, à un moment donné, jouait même une place dans les points. Longtemps, Mathieu Jobert a occupé la 11e place. Il a défendu, très bien défendu, contre la Ferrari de Niklas Nielsen pendant une bonne vingtaine de tours. Et c'est déjà une très très bonne performance. Je pense que déjà les autres constructeurs regardent déjà avec attention ce qui a été fait du côté de chez Genesis, puisque les troupes de Cyril Abitbol peuvent très très vite monter en puissance lors des prochaines courses. Et on va parler aussi de la catégorie LMGT3, bien sûr, puisque c'est McLaren qui a dominé le week-end, qui a signé la pole position, qui a dominé une grande partie de la course, mais à la fin c'est BMW qui s'est imposé. J'imagine qu'on doit forcément être déçu du côté du garage 59. Évidemment, du côté du LMGT3 de Garage 59, c'est la douche froide, puisque l'écurie britannique qui remplace Yamaha Motorsport cette année dans l'exploitation des McLaren aurait pu signer sa première victoire pour sa première course en WEC. Ils ont déjà signé leur première pole position, ils avaient la course en main, notamment après une magnifique bataille entre Thomas Fleming qui avait signé la pole position et Johnny Edgar au volant de la Corvette numéro 103, une bataille extraordinaire que Fleming a remportée. Et à partir de là, le trio qu'il formait avec Antas Ho et Marin Kershoffer semblait parti pour la victoire, jusqu'à cette casse, ce problème mécanique à 38 minutes du terme. Qui offre la victoire du coup à BMW, au team WRT avec le numéro 69 de Dan Harper, de Parker Thompson et d'Anthony McIntosh. Merci beaucoup Valentin de nous avoir fait vivre en tout cas tout le week-end depuis Imola, notre envoyé spécial. Et vous messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé finalement de ce week-end de reprise? Hugues, un avis sur cette victoire de Toyota et alors qu'on attendait plutôt Ferrari? Exactement, on a été surpris, enfin personnellement j'ai été surpris de la victoire de Toyota. Je m'attendais, après les qualifications notamment, avec Ferrari prophète en son pays à Imola. Et finalement, Toyota qui nous surprend. 50 victoires pour 100 courses. C'est un pourcentage de victoires qui est exceptionnel. Et ça démontre que, forcément, l'héritage et le talent de cette écurie et de cette marque en championnat du monde d'endurance. Je pense que Lucas, c'est la même chose. Tu as été surpris par leur victoire? Très surpris. Et puis, comme le disait Hugues, bah oui, palmarès exceptionnel. Toyota qui reprend la tête du championnat en WEC pour la première fois depuis 2023. Et donc, c'est aussi positif pour la suite de la saison. On aura une saison peut-être disputée en WEC. Oui, et puis surtout, ils ont cette nouvelle voiture, là, la TR010, qui a très bien marché ce week-end, donc ça, c'est une bonne chose. Et puis bon, Valentin en a parlé, c'est vrai qu'on a Alpine qui est au pied du podium. On aurait aimé aussi voir un podium d'Alpine pour la dernière saison du constructeur français. Est-ce que, selon vous, d'ici la fin de l'année, il y aura d'autres opportunités, voire de gagner une course? On sait que c'est forcément Le Mans et l'objectif principal, mais même gagner une autre course, ce serait bien pour eux. Une quatrième place, c'est dommage, mais c'est aussi rassurant que ça arrive à la première manche du calendrier. Après, il y a aussi, petit point noir, je dirais, de ce début de saison, le fait que la BOP devienne invisibilisée, on va dire. On ne peut pas forcément juger les débuts de cette Alpine, on ne sait pas ce que ça va donner sur les prochaines courses, mais restons sur les faits, une quatrième place, c'est très bien, et on a hâte de voir ce que ça va donner cette année. Et puis côté français, il n'y avait évidemment pas que le WEC ce week-end, puisqu'il y avait une grosse annonce qui est tombée, quelque chose qu'on attendait déjà depuis quelques mois. C'était le premier roulage de Dorian Pain dans une Formule 1. Dorian Pain qui a roulé vendredi dernier sur le circuit de Silverstone, sur le circuit national de Silverstone, pas le circuit Grand Prix, au volant de la Mercedes W12 e-Performance. Alors comme ça, ça vous parle peut-être pas, mais c'est la Mercedes qui a été championne du monde des constructeurs en 2021, aux mains de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Un premier roulage du coup très attendu pour Dorian Pain. On savait qu'elle allait le faire, on savait pas quand. C'est arrivé, et puis évidemment elle était très heureuse, et du coup je vous propose de l'écouter. Ça s'est très bien passé, je suis très contente. C'est une Formule 1, on s'attend pas à ça jusqu'au jour où on roule, parce que c'est tellement différent de ce que j'ai eu l'habitude de rouler jusqu'à maintenant. La F1, c'est un autre monde. C'est une des voitures les plus rapides. Enfin, c'est la voiture la plus rapide du monde. Il y a énormément d'efficacité sur les freins. Il y a énormément de puissance. Il y a énormément d'appui aéro. Donc, surtout la 2021, qui est une des très bonnes voitures de Mercedes et de la F1 en général. Donc, des sensations folles, des très bonnes sensations. Et puis après, on a roulé une journée entière du coup à Silverstone aujourd'hui. Et voilà, on a fait à peu près 200 km, un peu plus. Et j'ai continué à progresser tout au long de la journée. On a vraiment bossé pour préparer cette journée correctement. Et je pense qu'on l'a bien préparée parce que je me suis sentie tout de suite à l'aise. Et puis après, avec le travail en amont, avec l'ingé sur place, l'ingénieur, avec toute l'équipe derrière, j'ai pu progresser tout au long de la journée et on a fini sur une très bonne note, donc c'est très cool. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est les freins. Dès que tu touches la pédale ou même que tu relâches l'axel, tu as un frein moteur énorme et les freins en général sont hyper puissants. Donc la voiture, elle s'arrête net, c'est super efficace. Et puis l'aéro qui est juste hors norme, On est dans le virage à plus de 280 et ou 300 à Cobb, c'est collé au sol, quoi. Donc, il y a vraiment très peu de comparaison comparé à une F1 Academy, c'est sûr. Le step est gros, c'est sûr. Mais j'ai de la chance de rouler en P2 cette année, en LMP2. Donc, la transition a été un peu moins folle que si je passais de F4 à F1 direct. Parce que la P2, c'est une bonne voiture aussi avec pas mal d'aéro, pas autant que la Formule 1. Mais on atteint aussi des top speeds assez hautes. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu rouler un peu en P2 avant de monter dans une Formule 1, c'est sûr. Physiquement, j'étais bien et j'ai pas eu de choses limitantes dans la journée. Je me suis bien préparée pour ça. Je pense que tout le monde s'attend à que, justement... Bah, je pense qu'une femme... voilà, tout le monde dit on peut pas... On peut pas accepter les mêmes G ou pas accepter les mêmes choses parce que on est plus petit, on est une femme, c'est un corps différent. Mais au final, tout ça avec la préparation, c'est pas vrai parce que tu t'y prépares, t'es un athlète de haut niveau, peu importe femme ou homme, ça c'est deux préparations physiques différentes, c'est sûr, parce que le corps humain fonctionne différemment. Mais on peut constater que physiquement, bah, il n'y a pas de problème et qu'aujourd'hui, j'ai fait 200 km sans aucun problème. Donc, je suis très contente. La journée s'est bien passée. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important parce que je voulais montrer que j'ai une chance et je peux performer dans une Formule 1. Peu importe le genre et peu importe la carrière que tu as. Quand tu travailles et quand tu te prépares et quand tu donnes tout et quand tu veux vraiment bien faire les choses, tu peux faire des bonnes choses et réaliser ce genre de performance pour une première en Formule 1, c'est important pour ma carrière et pour la suite. Donc voilà, c'est positif et je suis très contente que tout ça soit bien passé durant la journée. Est-ce qu'il va y avoir un autre? J'espère. Pour l'instant, c'est pas encore discuté, mais dans le sport auto, faut prendre les opportunités qui s'offrent à toi et puis il faut toujours prouver. Et quand tu prouves, bah, tu as sûrement une autre chance qui vient après. Et je pense que si ça s'est bien passé, j'espère avoir une autre chance pour pouvoir continuer à progresser et rouler une nouvelle fois dans une Formule 1, il y aura plus, enfin, ça sera plus nouveau. J'aurai déjà roulé 200 km, donc je suis sûre qu'on peut construire quelque chose de bien dans l'avenir avec une Formule 1 et avec moi. Donc voilà, j'espère avoir une autre opportunité dans le futur. Voilà, Doriane Pain très heureuse. On est évidemment très heureux pour elle, messieurs. Lucas, un petit mot sur Doriane Pain. On attendait ce roulage. On sait que son objectif à elle, c'est la Formule 1. Est-ce que pour toi, c'est une première étape ou ça reste un roulage qui, pour le moment, ne préfigure pas forcément de l'avenir? Je pense que c'est un roulage qui ne préfigure pas forcément de l'avenir et que le chemin de Doriane Pain, vers la F1 est encore assez long. Mais bon, on est toujours content de voir un de nos représentants tricolores en Formule 1, qui plus est une femme. Donc ça fait plaisir de voir Doriane Pain rouler en Formule 1 ce week-end. Alors j'adore parce que Lucas, vous le savez peut-être ou vous l'entendez peut-être, Lucas est belge, mais il est presque un peu français maintenant qu'il travaille pour nous. Donc, voilà. En effet, il défend les pilotes français et c'est tout à ton honneur. Hugues, un petit mot sur Doriane. Moi, j'aurais tendance à rejoindre Lucas sur le fait que c'est pas ce test qui va lui donner un baquet en Formule 1, mais pour la cause des femmes dans le monde du sport automobile, c'est toujours une goutte de plus dans l'océan qu'il faut remplir. Ce sera toujours plus de visibilité pour les femmes, un exemple de plus pour les jeunes femmes qui sont en sport auto. Donc ça peut être que bénéfique, et cocorico en plus pour une Française. Il y a aussi le travail de pilote de développement, parce qu'en autre que pilote féminine pour Mercedes, c'est le pilote de développement, donc elle gagne un bagage technique qu'elle pourra ensuite réutiliser, que ce soit, elle en parlait en LMP2 ou dans son travail avec Mercedes. On continue de suivre Dorian, et pour moi c'est une étape de plus, on espérera qu'il y en aura plus d'autres tests, et peut-être des FP1 ou plus de séances officielles, on verra bien. Oui, en tout cas on lui souhaite, puis on sait que Dorian aussi, son objectif avant la F1, déjà c'est de passer via l'endurance, de rejoindre la catégorie hypercar. C'est sûr que tu parlais en effet de ce bagage technique qu'elle va avoir maintenant, en effet, tous les systèmes hybrides, etc., cette F1 électrifiée, ça va lui permettre aussi d'apprendre ça, et puis là elle a eu l'occasion de comparer forcément une F1 ancienne version, une F1 de 2021, et celle de 2026 qu'elle pilote au simulateur très régulièrement. Donc je pense qu'en effet c'est très positif pour elle, ça va lui apporter un gros bagage technique. Mais enfin bon, maintenant qu'on a parlé des 4 roues, on va passer aux 2 roues, Lucas. Voilà, on en retire 2. Voilà, on en retire 2 exactement, mais il en reste 2, et heureusement, puisque ce week-end, on en parlait en introduction, c'était les 24 heures moto avec la victoire de la Yamaha numéro 1 du Yacht. Toi, t'étais sur place, alors déjà, c'était ta première sur place, et je suis curieux de savoir ce que t'as pensé de ce week-end, parce que c'est relativement peu médiatisé, les 24 heures moto, mais ça reste un événement quand même très populaire et qui attire beaucoup de monde. Exactement, c'était mes premières 24 heures moto, j'ai grandement apprécié l'expérience. Je pense que les 24 heures moto, comme tu le dis, c'est beaucoup moins médiatisé que les 24 heures auto, et peut-être que pour les lecteurs d'Auto Hebdo, ça leur parle aussi beaucoup moins. Mais si je vais résumer les 24 heures moto en une image, je dirais que c'est un peu une grande fête pour tout le paddock. Comme en auto, la semaine débute avec la parade des pilotes dans le centre-ville du Mans, et jusqu'à la place des Jacobins, où se fait la photo officielle. Et tout précède l'action en piste, durant laquelle on redécouvre un petit peu aussi les virages du circuit Bugatti qui sont empruntés par les pilotes de MotoGP durant le Grand Prix de France. Donc on voit la courbe Dunlop là, avec la passerelle là, qui a été renommée, c'est désormais Goodyear, au crépuscule, de nuit. Ça change aussi de voir des motos dans cet environnement. Toi justement qui es un habitué du Grand Prix de France Moto, quelle différence tu vois dans la façon dont les pilotes prennent les virages? Est-ce qu'il y a un peu plus de retenue vu que c'est une course d'endurance? Est-ce qu'ils sont peut-être moins à fond qu'en MotoGP? Alors ils sont moins à fond qu'en MotoGP dans le sens où MotoGP c'est vraiment en format de course sprint. Ici ils enchaînent des relais d'une quarantaine de tours, donc c'est quand même bien plus long qu'en MotoGP, et donc forcément il faut qu'ils aient des temps de repos sur leur relais aussi. Les motos vont moins vite, et il y a des différences de niveau entre les pilotes parce qu'il y avait 60 machines engagées, donc la gestion du trafic était un défi colossal pour l'ensemble des pilotes, et c'était aussi très compliqué du coup au niveau des conditions de visibilité parfois entre les différentes catégories la nuit, puisqu'il y avait du coup beaucoup de pilotes à dépasser. Les motos sont moins puissantes qu'en MotoGP, c'est des motos qui se rapprochent plus des modèles de série, et donc beaucoup de différences avec le MotoGP. Mais au niveau de l'ambiance, on s'y retrouvait plutôt pas mal. Je pense à la tension qu'il y avait avant le départ, et jusqu'à l'émotion, plutôt le soulagement des mécaniciens qui couraient vers le pit wall pour aller saluer les pilotes à l'arrivée. Il y avait bien sûr aussi la tension dans les box avant les ravitaillements, ce qu'on n'a pas en MotoGP, puisqu'ici les pilotes doivent forcément les équipes doivent remettre de l'essence dans les motos, et les pilotes changer de moto, ils se partagent une moto, c'est le concept de l'endurance. Et donc tout ça, ça m'a fait vivre un super week-end au Mans. Oui, puis il y a une contrainte supplémentaire, c'est que forcément les températures sont différentes, notamment la nuit, par rapport au Grand Prix de France Moto qui en journée est forcément souvent sous le soleil, sauf l'an dernier, on s'en souvient très bien. Comment on gère ça, forcément ce froid qui arrive un peu le soir? Mais comme tu le dis, au Mans on a des journées très chaudes et des nuits plutôt froides, les températures sont descendues jusqu'à 4 degrés, et ça pour les pilotes, eh bien, c'est aussi une contrainte, puisque contrairement aux 24 heures auto où ils ont un habitacle pour se protéger du vent, ici les pilotes se plaignaient d'avoir les doigts gelés pendant leur relais de nuit, donc une contrainte en plus à gérer. Et pour ma part, bon, je l'ai vécu en salle de presse, donc j'étais plutôt confort. Bon, les pilotes ont eu froid, mais ça ne les a pas empêchés de se battre pendant 24 heures. Il y a eu quand même pas mal d'actions en piste. On a eu notamment l'abandon de Randy Depugnier sur Yamaha. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était des belles bagarres? Ou est-ce que les courses d'endurance, parfois comme en auto, font qu'il y a beaucoup d'écarts rapidement et qu'on n'a plus trop de batailles? Ce qu'il y a en moto, c'est qu'il y a toujours le facteur chute. Et donc, on n'est jamais à l'abri d'une chute. Et ça peut vraiment relancer la course, parce qu'une chute, bon, ça peut vraiment grandement endommager la moto. Et puis, il y a, comme en auto, eh bien, les soucis de fiabilité de temps en temps. C'est ce qui est arrivé à BMW, qui avait mené la course jusqu'au petit matin, avant de connaître pas mal de déconvenus. Et donc, c'est finalement le Yacht Yamaha, la machine officielle de l'usine d'Iwata, qui remporte sa deuxième victoire consécutive au Mans. avec Marvin Fritz, Karel Anika et Leandro Mercado, qui était le nouveau pilote de l'équipe. Suzuki et Kawasaki qui complètent le podium. Et donc Yamaha qui reprend une longueur à ces deux marques qui ont chacune 4, 15 et 14 victoires aux 24 heures moto. Yamaha, c'était leur sixième. Et donc le championnat qui débute sur ces 24 heures moto, puisqu'on ne l'a pas évoqué avant, qui se poursuivra à Spa et puis à Suzuka, où on retrouvera notamment Johan Zarco, qui disputera ses troisièmes victoires de Suzuka, double tenant du titre, pour essayer de le défendre avec Honda. Tu vois, tu as fait un lapsus révélateur, tu as dit ses troisièmes victoires de Suzuka. C'est ses troisièmes 24 heures, mais pour une troisième victoire, on l'espère. Pour une troisième victoire, on l'espère. Et puis, côté français, on aura évidemment le bol d'or en fin d'année pour clôturer ce championnat. Exactement. C'est un championnat, en tout cas, qui gagne à être connu, donc j'espère que ça vous a donné envie, le témoignage de Lucas, de voir ça. Mais toi, Lucas, pour Auto-Hebdo, tu travailles aussi, et surtout d'ailleurs, sur le MotoGP. Et c'est le retour, ce week-end du MotoGP en Espagne, enfin. Exactement, pas beaucoup de repos pour moi puisqu'après Le Mans, je vais directement m'envoler pour Jerez et ça va être le retour du MotoGP après trois longues semaines d'absence, on le se rappelle, au report du Grand Prix du Qatar en fin de saison. Et on va avoir pas mal de choses à suivre ce week-end dans MotoGP. Il va y avoir pas mal de choses et puis d'ailleurs je vous conseille aussi d'acheter le magazine de la semaine prochaine puisque vous pourrez peut-être tomber sur une interview qui risque de vous plaire en parlant de MotoGP, Lucas, mais bon, on va pas trop en dire maintenant. On va d'abord parler des enjeux du week-end. En effet, bon, le premier enjeu, c'est évident, Aprilia qui a gagné les trois premiers Grands Prix de la saison, Marco Bezzecchi qui est sur une série de 5 victoires de suite, mais Roland Martin aussi qui est deuxième du championnat. Est-ce que le retour en Europe fait que tu penses qu'ils vont continuer à dominer ou qu'ils vont au contraire plutôt être rattrapés par les autres constructeurs, surtout Ducati? Bien, je pense que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. On a eu quand même trois Grands Prix assez mouvementés. Pour vous donner une statistique, il n'y a que 4 pilotes, dont Roland Martin, qui ont inscrit des points dans tous les sprints et dans toutes les courses. Donc lors des 6 épreuves qui sont disputées depuis le début de l'année, ça veut dire qu'on a eu des Grands Prix à rebondissement, souvent imprévisibles, on le sait. On a commencé en Thaïlande, puis au Brésil et à Austin, c'était que des courses à suspense. Savoir si Aprilia va continuer à dominer, ça va être, comme tu le dis, la grande question de ce week-end. Les équipes ont beaucoup plus de données à gérer que sur les autres circuits qui ont été visités jusqu'à présent. Il y a déjà eu 40 courses de MotoGP qui ont été organisées à Jerez. Et historiquement, le circuit convient plus à Ducati qu'à Aprilia, qui ne s'est jamais imposé lors du Grand Prix d'Espagne. Donc on va surveiller tout ça avec attention. Est-ce que tu les vois, toi, Hugues, capables de gagner pour la première fois du coup à Jerez? Moi, j'y crois. Alors, je pense que le résumé de Lucas est parfait, statistiquement parlant, c'est nickel. Je pense que ça va être intéressant de voir quel va être l'effet de cette pause sur les pilotes en termes de laboratoire pour ce qu'on va voir dans les autres championnats qui ont été aussi interrompus par la situation actuelle. On va voir, est-ce que les pilotes ont profité de cette pause pour plus se reposer, plus travailler physiquement, travailler mentalement? Est-ce que les écuries ont aussi pu travailler à partir des données qu'elles ont recueillies sur les trois premiers Grands Prix ou alors travailler à partir des données qu'elles ont des autres années? Et moi, j'y crois, de ce vrai début de saison, ce lancement de saison avec la saison européenne, moi, j'y crois à un retour de Ducati. Je pense que le circuit a profité à Bagnaia, à Marquez sur les saisons dernières. Et je le vois bien, le petit Marquez revenir bien à domicile. Exactement, réconforté, revigoré après cette pause et aller chercher Bezzecchi ou Martin, ça me paraît bien. Je me permets de rebondir directement sur ce que Hugues a dit. Il parlait de laboratoire. Et en parlant de laboratoire, il va y avoir le premier test officiel de la saison qui va permettre aux équipes justement de tester différentes pièces pour la suite du championnat. Et donc je pense qu'elles ne vont pas arriver les mains vides à Jerez. Ça va être aussi intéressant à suivre. Ce sera le lundi qui suit l'événement. Non, donc en effet, c'est intéressant ce que vous dites tous les deux parce que ça se rejoint en même temps et ça s'oppose aussi. C'est-à-dire que je pense que Hugues, tu as raison sur le fait que les équipes auront bossé pendant 3 semaines, en effet. Mais ce que tu disais, Lucas, tout à l'heure, c'était très intéressant, c'est qu'elles ont bossé sur des données qu'elles ont eues sur 3 Grands Prix relativement peu représentatifs, dont le Brésil où elles n'avaient jamais roulé. Donc forcément, je pense que ça va être un peu dur à analyser pour elles et que ce test collectif va avoir une vraie importance et le Grand Prix, hein, tout le week-end en tant que tel, va avoir une vraie importance. Alors, moi, je suis un peu entre vous deux, c'est-à-dire que je pense pas forcément qu'Aprilia va autant dominer, mais je pense pas non plus que Ducati va revenir tout de suite. Par contre, je pense que ça va poser les jalons d'un potentiel retour. Mais bon, c'est l'occasion d'en parler. Ducati, Marc Marquez, vous l'avez déjà un peu évoqué. Vous le voyez comment ce week-end? Parce que Marc Marquez, c'est un peu la déception de ce début de saison. On sait qu'il n'est pas 100% physiquement. Bon, ça reste pas quand même du grand Marc Marquez cette année, je trouve. Le Hugues, pour commencer, peut-être sur le sujet. Moi, je crois à la théorie du prophète en son pays. Je pense que même s'il a cet état d'esprit de « il est plus proche de la fin de sa carrière que du début », le fait d'être devant son public, ça va vraiment le booster. Et je pense que ça va ajouter ce petit plus, même si Aprilia et Ducati sont à égalité, on va dire, ou en tout cas très proches, ça va lui permettre de dépasser et de briser les barrières pour aller gagner. Lucas, je rends à César ce qui appartient à César. En préparant cette émission, tu m'as donné une statistique qui est assez éloquente, je trouve. C'est que Ducati est sur sa plus longue série de disettes sans victoire depuis une série qui était à cheval sur 2020-2021. À l'époque, ils n'avaient pas gagné pendant 8 courses de suite. Là, ils en sont à 6. Est-ce que tu les vois y mettre fin à cette série dès ce week-end? Je me permets de corriger la statistique. Ils en sont à 5, mais ils pourraient, du coup... manquer la victoire pour la sixième fois. Ce serait la plus longue série sans victoire de Ducati depuis, comme tu le dis, une série qui s'était étendue entre 2020 et 2021 et qui s'était achevée justement à Jerez avec la victoire de Jack Miller sur la Pramac Ducati. Il y a des signes quand même là. Il y a des signes. On se rappelle que Marquez l'an dernier, Jerez lui avait pas forcément souri, il avait chuté. C'est justement son frère cadet Alex qui avait remporté sa première victoire en MotoGP. Alors bien sûr, Ducati pourra mettre fin à cette disette de victoires. On a parlé des deux frères Marquez, mais aussi Fabio Di Giannantonio qui a signé les deux dernières poles en date et qui va être l'un des hommes à surveiller ce week-end sur la VR46 qui est très en forme en début de saison avec la GP26. Donc Ducati a évidemment les armes pour contester la victoire à Aprilia. On aura la réponse dans quelques jours. Ah bon, on a hâte en tout cas, mais tu parlais de ces deux pole positions de Fabio Di Giannantonio. Il y a un autre Fabio qui est amateur de pole position, ouais. C'est Fabio Quartararo, 5 poles à Jerez, dont une l'an dernier. Ça faisait d'ailleurs partie des 5 poles qu'il avait signé l'an dernier, dont une au Mans, on s'en souvient. Bon, il y a peu de chances de le voir à nouveau faire une 6e pole à Jerez cette année, je pense. Hugues, comment tu vois ce week-end pour Quartararo? Est-ce que tu attends quelque chose de lui ou est-ce que tu t'attends plutôt au contraire à le voir comme en début de saison en galère? Et ton hanchement de tête ne me rassure pas. Ouais, alors j'ai été optimiste sur Marquez. Là, j'y crois moyen. Je pense que justement la situation vis-à-vis d'Yama et les rumeurs de départ ne vont pas aider. Je ne pense pas qu'il soit dans un très bon état d'esprit et donc je ne pense pas que ça va beaucoup aider, même s'il y a eu cette pause, même si ça lui permet peut-être de se remettre les idées en place avant le début de cette saison européenne. Non, je vois pas forcément un bon retour de Quartararo cette saison. Lucas, ton avis en tant que grand défenseur des pilotes français? Non, mais je trouve que t'as bien fait de rappeler les 5 pôles de Quartararo à Jerez. Après, Fabio Quartararo et Jerez, c'est un peu je t'aime moi non plus, parce qu'autant il a signé 5 pôles positions, comme tu l'as très bien rappelé, autant en 2024, il y signait son pire résultat en qualification. Et puis Fabio Quartararo à Jerez, ça a souvent bien marché avec Yamaha, parce que Jerez, c'est un circuit où les lignes droites ne sont pas très longues. La plus longue doit faire 600 mètres. Et on sait qu'il y a un vrai déficit de vitesse de pointe dans les lignes droites par rapport aux autres moteurs. Exactement. Et donc, elle comblait avec son avantage en courbe. Il n'y a pas beaucoup de changements de direction à Jerez. C'est un circuit quand même qui est assez court. Et donc, on l'a vu au Brésil, ça a profité à Fabio Quartararo qui s'était qualifié en 4e position. Mm-hmm. Néanmoins, le turning, donc la manière de faire piloter la moto dans le virage, la manière de la faire rentrer dans le virage, c'est le gros point faible de la Yamaha V4. Et donc, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Au Brésil, ça avait bien fonctionné dans des conditions qui avaient été favorables à Quartararo parce que, effectivement, les équipes n'avaient pas beaucoup de données sur ce circuit et les pilotes découvraient encore la piste. Je pense que le pilote pouvait encore beaucoup faire la différence. À Jerez, je ne sais pas s'il parviendra à tirer son épingle du jeu de la même manière. Bon, on espère en tout cas, hein. Toujours on est forcément un peu chauvin, puis on souhaite aussi de voir Juan Zarco briller sur Honda. C'est pas non plus très facile pour lui depuis le début de l'année. Très rapidement, messieurs, en deux mots, qu'est-ce que vous attendez de Juan Zarco? Est-ce que vous pensez qu'un top 10 est jouable? Plus, moins, Hugues, pour commencer? Encore une fois, hein, je suis désolé à mes pilotes français, je vais pas non plus être très optimiste du côté de Juan Zarco, donc ce sera pour moi aucun top 10 de la part de nos deux français. Lucas? On sait que Juan, il se cherche toujours avec cette Honda, il essaye d'en comprendre toutes les spécificités avec patience. Et donc, je pense qu'il faudra encore faire preuve de patience à Jerez, puisque le Grand Prix des États-Unis n'a pas montré de réel déclic de sa part. Bon, en tout cas, on va parler maintenant d'un pilote français qu'on espère voir briller un peu plus, qui a brillé au cours des derniers mois. C'est Sébastien Ogier, qui fait son retour en WRC au Rallye des Canaries ce week-end pour la 5e manche du championnat. Il a participé au Rallye de Monte-Carlo en début d'année, puis au Rallye du Kenya. Le voilà de retour sur les routes espagnoles, là où Calero Vandepera, si vous en souvenez, l'an dernier, avait écrasé le Rallye en gagnant 15 spéciales sur 18. On vous a concocté notre question hebdo de la semaine sur le sujet, puisque tout simplement, on va vous demander si... avec 55 points de retard, vous croyez encore au 10e titre de Sébastien Ogier en fin de saison? 55 points de retard, c'est beaucoup. C'est le retard qu'il a sur Takamoto Katsuta, qui est leader après sa 2e victoire consécutive la semaine passée. Et c'est aujourd'hui le débat qui va nous opposer, Hugues. Donc on rappelle les règles, une minute chacun pour donner notre avis sur la question. Et vous, vous pouvez évidemment donner votre avis sur autohebdo.fr, sur nos réseaux sociaux et puis dans les commentaires de la vidéo. Bien sûr, on attend de voir ce que vous en pensez parce que forcément, en tant que Français, on aimerait le voir gagner. Est-ce qu'il en est capable ? Hugues, je te laisse donner ton point de vue et puis tu as une minute pour répondre. C'est parti. Et oui, pour moi, Cyprien, Sébastien Ogier va aller chercher son 10e titre cette année. Je vais éliminer tout de suite l'argument du talent et de la motivation. Pour moi, il l'a, le talent, il l'a, la motivation, il l'a. On l'a vu l'année dernière, alors qu'il avait un programme intermittent, il est allé rajouter des manches pour aller chercher ce 9e titre et égaler Sébastien Loeb. La motivation, elle est d'autant plus historique cette saison, puisqu'il pourrait aller chercher un 10e titre et devenir le pilote le plus titré de l'histoire du championnat du monde des rallyes. Le seul petit bémol, ce serait le programme, on en a parlé, il a dit qu'il en avait 10 de prévus et qu'il ne voulait pas, il l'avait fait l'année dernière au Japon, avoir un rallye une semaine où il pourrait être en vacances avec son fils. Il en a 10 de prévus, il en a fait 11 en 2025 pour aller chercher son titre, il faudrait qu'il en ajoute 2 si vraiment il faisait plus que son programme pour aller chercher ce 10e titre. Pour moi, il va le faire. Le défi, tu le parlais, 55 points, pour moi, ça me paraît forcément surmontable, sachant qu'en face, la concurrence, c'est Rovan Perra qui n'est plus là, Solberg qui n'est pas assez mûr selon moi, sinon Katsuta, Evans ou Pajari. Top, ça va. Yep, voilà. Oh, t'as été bon, t'as été pile dans les temps. Bon, bah, à moi de te répondre, puisque moi, je pense que malheureusement, non. Malheureusement, Sébastien Ogier ne sera pas champion du monde en fin d'année. Alors, j'espère très honnêtement me tromper, mais pour moi, le retard qu'il a accusé pour le moment est trop important. Il a 55 points de retard. Alors, il y a un argument qui pourrait faire pencher la balance dans l'autre sens, c'est que l'an dernier, après 4 manches, il avait aussi une cinquantaine de points de retard sur Elfyn Evans et qu'il est remonté. Sauf que, moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est ses résultats du début de saison. Je l'ai trouvé un peu moins tranchant que l'an dernier, c'est-à-dire que l'an dernier, quand il venait sur des rallyes, il gagnait, il terminait deuxième ou troisième, mais il était globalement toujours sur le podium. Ça lui a permis de remonter quand Evans, à l'inverse, perdait des points en faisant des erreurs ou en subissant des crevaisons ou autres, comme Sébastien Ogier a pu subir aussi en ce début d'année. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que le momentum a changé de côté. En fait, j'ai l'impression que Sébastien Ogier, tu parlais de la motivation, il l'a un peu moins parce que le fait de parler justement des vacances avec son fils, je pense que c'est sa priorité aujourd'hui. Sauf que quand c'est sa priorité, ça veut dire qu'il est un peu moins concentré sur la course et que je pense que du coup, il aura du mal à les rattraper les 3 autres pilotes Toyota. Voilà, puis j'étais parfait. Non, pas fier de ma performance non plus. À vous de me dire dans les commentaires. Hein. Bien sûr, non, je parlais pas de ma performance, je parlais du temps. Mais en effet, bon, bah, écoutez, c'est de toute façon une question à laquelle aucun de nous deux a la réponse. Et si je dois être tout à fait honnête, j'espère me tromper. On a hâte d'avoir la réponse ce week-end. Et on a hâte de voir déjà ce week-end aux Canaries où l'an dernier Toyota avait nettement dominé, comme je disais, avec Calero Vanpera. Voilà, donc vous pourrez suivre évidemment tout ça sur autohebdo.fr dans le magazine. Et puis vous avez le live du rallye tout au long du week-end, donc le live commenté de toutes les spéciales. Donc n'hésitez pas à regarder ça. Et puis on va conclure cette émission avec une note un peu moins joyeuse que tout ça. C'est notre image de la semaine, évidemment. Vous l'avez certainement vu passer. C'est cet accident aux 24 heures qualifier. Donc les deux courses de qualification qui étaient prévues ce week-end sur la Nordschleife pour les 24 heures du Nürburgring. C'est un événement qui avait été médiatisé pour la présence de Max Verstappen qui se prépare évidemment à participer aux 24 heures du Nürburgring. Avant de revenir sur la performance du Néerlandais et sur les résultats de la course, évidemment le fait marquant du week-end, le fait terrible du week-end, c'était cet accident samedi lors de la première des deux courses, un accident qui a impliqué cette voiture et qui a coûté la vie malheureusement à Juha Mäntinen, un pilote de 66 ans qui était un habitué de la Nordschleife. Il avait d'ailleurs remporté sa catégorie lors de la troisième manche des NLS la semaine précédente, avant ce malheureux accident. Et puis en 2020, 2022, 2024, il avait pris la troisième place de la catégorie V4 aux 24 heures du Nürburgring. Bon, ça a été un accident assez dramatique, messieurs, on a vu les images, c'est pas beau à voir, c'est pas des choses qu'on aime voir. Mais ça rappelle aussi que ben, le sport qu'on aime tous les trois et que vous qui nous regardez forcément, vous aimez aussi, reste un sport très dangereux. Oui, ça reste un sport très dangereux. C'était les premiers mots de Max Verstappen. C'est pas la première fois qu'on voit de gros accidents sur ce circuit. Et je présente bien évidemment mes condoléances à toute sa famille et à ses proches. Oui, évidemment, on peut que s'associer à ça. Hugues, ton point de vue sur cet accident? Je ne peux que reprendre les propos de Verstappen qui rappellent que les pilotes sont au courant des risques quand ils prennent le volant. Bien évidemment, toutes nos condoléances vont à ses proches et à sa famille. Je tiens aussi à souligner le professionnalisme des commissaires de piste et de la direction de course qui n'a diffusé aucune image de l'accident et qui a assez rapidement communiqué la situation de ce pilote. Forcément, ce n'est pas des images qu'on aime voir, mais c'est aussi important de savoir gérer malheureusement ces événements tragiques. Ouais, en effet, ça faisait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu un décès sur le Nürburgring. Bon, c'est toujours des images difficiles à voir, mais je te rejoins là-dessus. Très, très classe, la direction de course. Ce n'est pas le cas dans tous les sports tout le temps. J'ai des souvenirs assez récents d'accidents violents, que ce soit en cyclisme ou des malaises sur des terrains de foot ou autre, par exemple, où les images sont montrées des fois de manière assez crue. C'est toujours à saluer. Voilà, il ne faut pas tomber dans la curiosité morbide. Je pense que c'est déjà assez dur comme ça pour tous les pilotes impliqués. On pense aussi à tous les autres qui s'en sont sortis mais qui ont été blessés, et puis à ses coéquipiers, enfin évidemment à tout le monde. On va quand même dire un mot évidemment de la course, puisque la course du samedi, comme je vous le disais, a été annulée. La course du dimanche, elle s'est bien tenue, elle a livré une belle bataille dans ces conditions difficiles, hein, qui ont été marquées évidemment par un hommage à Juha Mäkinen avant la course. Une belle bataille entre Max Verstappen et Lucas Auer sur la Mercedes de Windward Racing face à l'Audi R8 de Scherer Phoenix, qui était aux mains de Christopher Haas, Ben Grid et Alexander Sims. Ils se sont livrés un beau duel en début de course, puis Max Verstappen et Lucas Auer, enfin c'était Verstappen qui était au volant, ont eu un petit problème de splitter avant, ont dû rentrer au stand et ils ont perdu environ 25 minutes, ils sont ressortis très loin, ils ont terminé 39e et donc la victoire est revenue à Scherer Phoenix, au trio que j'évoquais juste avant. Donc ça promet des belles batailles en tout cas pour les 24 heures du Nürburgring. Voilà, on va se redonner un peu d'allant, on va espérer que ce sera beau, on a hâte de voir ça, on a hâte de voir Max Verstappen aux 24 heures du Nürburgring face aux vrais spécialistes du GT, qui montrent d'ailleurs à quel point ce sont des très très bons pilotes, parce que ça franchement, je trouve que c'est des pilotes qu'on met peu en avant, parce qu'on est forcément concentré sur les championnats du monde, mais quand on voit les passes d'armes et quand on voit que pour Verstappen tout n'est pas toujours facile, on se dit qu'il y a quand même des sacrés talents. Donc vous pourrez évidemment suivre ça mi-mai, le week-end du 17-18 mai, sur AutoHebdo, on vous le fera vivre évidemment, puis bon, normalement avec Hugues on sera aussi sur place pour vous faire vivre tout ça. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec moi, et puis on a hâte de voir ce week-end. Lucas, on a hâte que tu nous fasses vivre le MotoGP depuis Jerez. Eh bien oui, merci beaucoup, et moi pour ma part j'ai hâte d'aller travailler un petit peu, mais surtout manger des paellas et boire de la sangria. C'est bien, vous voyez, on n'est pas du tout dans le cliché. Lucas sort des frites et de la bière. Il fait ça. Bon, bah, la paella et la sangria. Bon, Hugues, toi ce week-end, pas de paella, pas de sangria, en tout cas pas en Espagne, mais merci en tout cas d'avoir été là, et puis on se revoit bientôt. On se retrouve de l'autre côté de la caméra la semaine prochaine pour la prochaine émission. Alors, on va aussi se retrouver, puisque là, vous voyez, on fait des séries d'entretiens avec des pilotes et des personnalités du sport auto qui viennent. Vous retrouverez Hugues très prochainement, puisqu'on reçoit une personnalité cette semaine qui a fait l'actualité récemment. On vous en dit pas plus, vous verrez ça. Vous devinez en commentaire. Vous pouvez deviner en commentaire. Un indice, cette personnalité est française. Voilà, j'en dirai pas plus. Et elle fait du sport automobile. Bon, on va s'arrêter là en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette 32e de l'émission Auto Hebdo. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver le magazine de la semaine en kiosque, en version numérique à partir de 20h. Il est du coup déjà disponible au moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de toutes les thématiques évoquées en commentaire. Évidemment, on est toujours très curieux de lire votre avis. Et puis, on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle émission. Salut!